France Impro, ça donne chaud. Allô, bonjour, c'est France Impro sur Radio FMR 89.1. Bienvenue, aujourd'hui nous allons faire une petite émission de programmation musicale avec des tas de surprises. Je lance tout de suite un petit morceau que je présenterai après. Yeah. Il s'agissait du duo Odinet Marty, d'un disque qui s'appelle Vitesse Locale. David Odinet était au trombone et Sylvain Marty à la percussion, aux percussions. Pardon. Donc c'est un disque produit par le collectif Musique en Friche. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site musique-en-friche.com. Je vais lire quelques passages d'un essai de M. Clément Canon, qui est musicologue et qui écrit beaucoup sur l'improvisation, et en particulier l'improvisation libre. Son essai s'appelle « L'appréciation esthétique de l'improvisation ». Donc je vais commencer par l'introduction. Y a-t-il quelque chose de spécifique à l'appréciation esthétique des musiques librement improvisées ? Ou, pour le dire autrement, la relation expérientielle qui se crée entre l'auditeur et l'objet de son écoute varie-t-elle en fonction de la manière dont la musique perçue est produite ou de son mode d'existence ? En réalité, il suffit d'avoir assisté quelquefois à des concerts de musique improvisée pour être enclin à répondre positivement à ces questions. Savoir que la musique jouée à ce moment-là est improvisée, c'est-à-dire créée spontanément par le ou les musiciens présents sur scène, modifie passablement la manière dont on l'appréhende. Bien sûr, l'excitation qui caractérise souvent ce moment peut provenir de diverses sources. Le fait de pouvoir écouter un artiste important et reconnu, le fait de s'apprêter à entendre de la musique que l'on ne connaît pas encore, ou encore le fait de savoir que la performance à laquelle on assiste sera unique. Mais tous ces facteurs ne sont en rien spécifiques à l'improvisation et peuvent très bien être à l'œuvre dans d'autres contextes. Par exemple, lorsque l'on assiste à la création du nouvel opus d'un grand compositeur contemporain. Ce n'est pas non plus simplement que notre appréciation se trouve qualifiée, par exemple en revoyant à la baisse un certain nombre des exigences qui peuvent légitimement être les nôtres lorsque nous appréhendons ou évaluons la musique, perfection instrumentale, ingéniosité formelle, originalité, inventivité de la musique produite, en raison du caractère particulièrement périlleux qui peut y avoir à vouloir inventer la musique dans le temps même de sa production. Non, c'est la nature même de l'expérience musicale qui semble être altérée. Cet aspect apparaît en pleine lumière lorsqu'on est victime d'une tromperie ou d'une imposture. Lorsque l'on croyait avoir été improvisé se révèle n'être qu'une simple restitution d'un texte musical patiemment élaboré, puis appris par cœur. Bien sûr, il y a plusieurs explications à ce sentiment. D'abord, ce n'est jamais agréable d'être trompé. Quel que soit le domaine, nous avons l'exigence légitime d'être dans un rapport de vérité aux choses et l'on estime avoir le droit de savoir exactement ce à quoi on a affaire. Ensuite, il y a toute une série de propriétés que l'on attribue à la musique appréhendée qui dépendent précisément de ses modalités de production, qui renvoient au processus de création singulier par lequel la musique en question est venue à l'existence et qui ne peuvent être saisies si l'on se contente de faire l'expérience de l'œuvre, indépendamment de la considération de tout élément de provenance. C'est ce que l'on peut appeler les propriétés d'accomplissement. C'est assurément un exploit que d'improviser sur le champ une fugue à trois voix, mais c'est un accomplissement beaucoup moins impressionnant que d'avoir composé la même fugue à trois voix, toutes choses égales par ailleurs. Une tromperie quant à la nature authentiquement improvisée de la performance peut donc nous conduire à attribuer à celle-ci des propriétés qu'elle ne possède pas vraiment. Mais plus profondément, nous avons le sentiment que notre expérience esthétique de l'objet musical a été radicalement faussée. Nous n'aurions pas créé le même rapport expérientiel avec la musique appréhendée si nous avions su que ce n'était pas d'une improvisation qu'il s'agissait, mais de l'interprétation d'une composition. Plus que notre horizon d'attente, c'est notre manière d'écouter qui semble avoir été inappropriée. Nous n'aurions sans doute pas réagi de la même manière. Nous n'aurions peut-être pas prêté attention aux mêmes aspects si nous avions su que la musique entendue n'était pas improvisée. Bref, nous n'aurions sans doute pas adopté la même posture d'écoute. C'est donc l'idée de l'existence d'un lien entre la nature ontologique des musiques improvisées et le type d'appréciation esthétique qu'elle suscite que nous voudrions défendre ici. Disons tout de suite que, pour mettre en évidence ce lien, nous visons un type bien particulier d'improvisation que l'on appelle communément improvisation libre. Thank you. chars ont toujours beaucoup de difficultés avec leurs armées. Et la machine de guerre n'est pas d'abord une pièce de l'appareil d'État. Elle n'est pas une organisation d'État. Elle est l'organisation des nomades, en tant qu'ils n'ont pas d'appareil d'État. Les nomades ont inventé toute une organisation numérique qui se retrouvera dans les armées. Cette organisation originale implique des rapports avec les femmes, les végétaux, les animaux, les métaux, très différents de ceux qui sont codifiés dans un état. Faire de la pensée une puissance nomade, ce n'est pas forcément bouger, mais c'est secouer le modèle de l'appareil d'État, l'idole ou l'image qui pèse sous la pensée, monstre accompli sur elle. Donner à la pensée une vitesse absolue, une machine de guerre, une géographie, et tous ces devenirs ou ces chemins qui parcourent une steppe. Que le papier aux deux lettres précédentes. C'était Machine de troisième espèce d'un disque qui s'appelle Schizotrope d'un groupe qui s'appelle The Richard Pinas and Maurice Dantec Schizophrenic Experience. Le texte qui était lu par Maurice Dantec est un texte de Gilles Deleuze, de l'inimitable Gilles Deleuze. Nous avions Maurice Dantec à la voix et Richard Pinas à la guitare et électronique. Je continue avec l'essai de Clément Cannon. Quand nous écoutons une improvisation, c'est bien de musique qu'il s'agit. À cet égard, il ne faudrait certainement pas affirmer que l'appréciation de l'improvisation est parfaitement singulière, ou qu'elle ne saurait s'inscrire dans un cadre appréciatif plus large. Il semble au contraire plus raisonnable de supposer qu'il y a quelque chose de commun à nos expériences esthétiques de la musique, qu'il s'agisse d'improvisation ou d'œuvres interprétées. Gerald Levinson, en 2009, suggère ainsi que l'appréciation esthétique de la musique repose essentiellement sur deux aspects. La forme de la musique. Le contenu expressif de cette musique. Il n'y a pas vraiment de difficulté à reconnaître que la forme de la musique ou le contenu expressif de celle-ci fonctionne comme des centres d'appréciation pertinents dans le cas des musiques improvisées. Mais ces aspects de la musique ne se présentent peut-être pas de manière tout à fait identique dans le cas d'une improvisation ou dans le cas de l'interprétation d'une œuvre préalablement composée. Apprécier une production artistique, c'est aussi reconnaître ce que cette production a de spécifique au sein du médium plus large qui lui sert de substrat, c'est prêter attention à sa dimension variable. Si toutes les musiques sont appréciées pour leur forme sonore et leur contenu expressif, alors il s'agit de voir comment cette forme sonore et ce contenu expressif sont singularisés dans le cadre de l'improvisation. Nous voudrions montrer ici que, d'une manière très générale, appréhender une improvisation en tant qu'improvisation agit comme un intensificateur de ce qui fait le propre d'une expérience musicale. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que l'expérience de l'improvisation soit forcément plus riche ou meilleure que l'expérience de l'improvisation d'une œuvre, que de l'interprétation d'une œuvre de musique. C'est plutôt que l'improvisation tend à placer en pleine lumière et à rendre transparents les composants de l'expérience musicale, à savoir la forme comme connexion de moments sonores et l'expressivité comme expression. Thank you. C'était un disque qui s'appelle Boperation, et c'était le morceau éponyme, la première piste de ce groupe qui s'appelle Peeping Tom, avec Pierre-Antoine Badarou au saxophone, Joël Grip à la contrebasse et Antonin Gerbal à la batterie, accompagné de l'inénarrable Axel Dörner à la trompette. Je continue avec la lecture. Nous venons de voir que la situation d'improvisation agissait comme une sorte d'intensificateur de l'expérience esthétique, en raison de la nature même de l'improvisation et de ses propriétés ontologiques les plus singulières. Mais il est sans doute possible d'aller plus loin dans la caractérisation du type d'appréciation que suscite l'improvisation. En particulier, on peut défendre l'idée d'une spécificité à l'appréciation esthétique de l'improvisation en raison de l'empathie particulière qui peut unir l'auditeur au musicien lorsque celui-ci est en situation d'improvisation. L'auditeur peut évidemment entrer dans une relation empathique avec l'improvisateur parce qu'il est sensible à la mise en fragilité et à la prise de risque qui sont consubstantielles aux situations d'improvisation. L'improvisateur se donnant comme idéal régulateur de A. présenter de la musique qu'il juge digne d'être entendue et B. en créant cette musique dans le même moment qu'il la joue. Et donc de satisfaire de manière conjointe ces deux exigences. La prise de risque constitue l'une des valeurs cardinales de l'improvisation et nourrit à cet égard l'horizon d'attente de l'auditeur. L'empathie que nous avons pour l'improvisateur n'est guère éloignée de celle que nous avons pour le funambule qui s'élance sur une corde tendue au-dessus du vide et qui risque de chuter à tout moment. Plus généralement, l'auditeur peut être conscient du caractère particulièrement exigeant de la situation, du point de vue des compétences qui doivent être mobilisées par le musicien improvisateur. Comme le rappelle Jeff Pressing, l'improvisateur doit effectuer en temps réel le codage perceptuel et sensoriel, l'allocation optimale de l'attention, l'interprétation des événements, les prises de décision, les prédictions relatives aux actions des autres improvisateurs, la mémorisation de ce qui a été joué, la correction des erreurs, le contrôle des mouvements et plus encore, doit intégrer tous ces processus en un ensemble idéalement continu d'énoncés musicaux qui traduisent à la fois un point de vue personnel sur l'organisation musicale, la composition, et une capacité à émouvoir les auditeurs. Vous êtes sur France Impro. France Impro, Radio FMR 89.1. C'était juste avant le jingle, un album de Fred Frith qui s'appelle Elise. Oui, Elise, je crois que ça se dit comme ça. Allié, quoi. Dans l'album Music for Dance Volume 2. Et le nom du morceau, c'était Nenad. L'improvisation est bel et bien une performance, dans tous les sens que peut revêtir ce terme en français. C'est la conjonction de la très grande expertise que doit manifester l'improvisateur et de la prise de risque inhérente à la situation qui fait de l'improvisation un accomplissement musical tout particulier, prédisposant l'auditeur à une certaine empathie. Mais si empathie il y a, c'est plus fondamentalement parce qu'il y a une analogie profonde entre l'improvisation, la performance du musicien, et l'écoute, la performance de l'auditeur, si l'on veut. Non seulement la situation de l'auditeur est proche sur certains points de celle de l'improvisateur, mais la question de l'écoute est également absolument structurante pour la pratique même de l'improvisation. L'improvisateur est tout autant écoutant que producteur. Si l'on dit parfois que l'improvisation réunit composition et interprétation en un même acte performatif, il faut bien voir qu'elle fusionne également génération et réception, à tel point que certains pédagogues ont pu faire de l'écoute le moteur même de la production musicale improvisée. D'un côté donc, la pratique de l'écoute est assez proche de celle de l'improvisation. Bien que reposant sur un ensemble de connaissances explicites et implicites, l'écoute n'est jamais complètement préparée, surtout lorsque l'on découvre une nouvelle œuvre. L'auditeur doit toujours s'adapter à un flux d'événements particulièrement partiellement imprévisible, y réagir et réviser ses attentes et expectations en conséquence, remodeler ses perceptions passées en fonction de ses perceptions présentes, faire sens de la musique qu'il reçoit, et même faire musique des sons qu'il perçoit. Comme dans l'improvisation, on ne peut pas distinguer deux étapes bien séparées, d'abord la planification, puis l'exécution. Au contraire, dans le temps d'une performance d'écoute, la pensée et le fait et le faire coïncident, ce qui est précisément une manière de décrire une activité improvisée. Bien sûr, il s'agit là de caractéristiques générales de l'activité d'écoute, qui ne sont donc pas à proprement parler spécifiques à l'écoute de l'improvisation, mais justement, cette activité qui est celle de l'auditeur entre en résonance de manière particulière avec l'activité du musicien improvisateur. L'improvisateur comme l'auditeur sont en effet soumis aux contraintes suivantes. L'irréversibilité du flux temporel qui rend impossible les retours en arrière. La musique ne s'écoule que dans une direction et son sens. L'indétermination du déploiement formel qui rend les anticipations sur l'évolution future de la performance particulièrement incertaines. La limitation des ressources cognitives qui impose une concentration évidente sur le présent musical. Thank you. C'était The Art Ensemble of Chicago, d'un album qui s'appelle The Meeting, et la dernière piste de l'album qui s'appelait The Trion to Io. Aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Io, ça doit être le satellite de Jupiter. Les deux activités, donc l'improvisation et l'écoute, partagent donc un certain nombre de leurs caractéristiques fondamentales, qui sont liées à leur temporalisation particulière. Mais si l'activité d'écoute présente une certaine dimension improvisatoire, l'activité d'improvisation présente elle aussi une dimension orale. Orale avec AU, pour dire auditive. C'est en effet ce que l'improvisateur entend qui conditionne son acte d'improvisation. Selon le modèle rétrospectif qui préside à la génération de l'improvisation, le feedback acoustique joue un rôle essentiel. Si l'on devait priver l'improvisateur de toute perception auditive de sa propre production improvisée, nul doute que le résultat se trouverait fortement altéré. Il n'y a en effet aucune raison de supposer qu'il y a une adéquation parfaite entre l'intention musicale de l'improvisateur et sa réalisation sonore effective, tant les contraintes qui pèsent sur ce dernier sont lourdes. À cet égard, c'est bien plus la manière dont sonne et résonne aux oreilles de l'improvisateur le geste produit que l'image mentale que le musicien en a formée qui est déterminante dans le choix du geste. C'est en se rendant au flux sonore et en explorant les directions potentielles que celui-ci suggère que le musicien prend véritablement le risque de l'improvisation de produire une musique dont le sens se construit dans le présent moment, moment après moment, plutôt que de découler de formes ou de modèles préétablis. Pour reprendre les termes d'Alfred Schutz, les auditeurs et les improvisateurs partagent un même flux de conscience, non seulement parce que ces flux sont structurés par la musique produite ou entendue, qui impose sa durée, son articulation moment par moment, étape par étape, mais aussi parce qu'ils partagent les dimensions temporelles de l'irréversibilité et de l'indétermination. Pour Schulz, en effet, l'expérience musicale se caractérise en propre par le sentiment d'un temps partagé. Bien que séparé du compositeur de plusieurs centaines d'années, l'auditeur participe avec une quasi-simultanéité au flux de conscience du compositeur, en réalisant avec lui, étape par étape, l'articulation continue de sa pensée musicale. L'auditeur est donc uni au compositeur par une dimension temporelle commune à tous les deux. Oh! c'était un autre disque du collectif Musique en Friche qui s'appelle Les arbres ont bougé pendant la nuit, avec Nicolas Souchel à la trompette, Julien Martin à la voix, Sylvain Marty aux percussions et Sébastien Sirotto aux prises de son, au pluriel. Je vais, le texte que j'ai lu jusqu'ici de Clément Canon peut rentrer en résonance avec un autre texte qu'on peut trouver sur collateral.franceimpro.net. Franceimpro.net, c'est le site de l'émission France Impro. Collatéral, c'est une sorte de carnet littéraire partagé et anonyme. Monsieur Omar Terralos a donné une conférence hier à l'hôtel Mercure sur une nouvelle théorie de l'écoute musicale actuellement en cours d'écriture. La chaleur et la facilité d'expression toute relative de Monsieur Terralos en langue anglaise n'ont malheureusement pas permis que la conférence rencontre le succès qu'elle méritait. Voici un résumé sommaire de l'exposé à toute fin utile, ou du moins une reformulation de ce qu'il m'a été donné de comprendre. Monsieur Terralos postule que l'exigence musicale exige une suspension de l'incrédulité, à l'instar des écrits de fiction, du cinéma ou du théâtre. En effet, il est essentiel d'oublier la main du compositeur Demiurge et de considérer l'œuvre musicale comme une création instantanée. Je n'ose pas tenter de traduire le mouvement de la pensée de Monsieur Terralos, qui fait ici intervenir Saint-Augustin et Husserl, pour poser quelques axiomes concernant la perception du temps, les phénomènes sonores et la volonté sensible. Mais voici l'axe central de sa théorie. Les phénomènes sonores ne sont jamais perçus par la volonté sensible comme arbitraires, même s'ils le sont objectivement. Ils sont au contraire et de façon évidente perçus comme l'expression d'une ou de plusieurs volontés de puissance. Ce sont ceux ou ces volontés de puissance qui vont créer le discours musical. Et on retrouve ici l'analyse traditionnelle construite sur des tensions-résolutions. En pratique, une écoute positive consiste à identifier les volontés de puissance et à suivre leur combat permanent. Ces volontés peuvent être temporairement attachées à un instrument, à un registre, à une phrase musicale. Le compositeur Demiurge n'est qu'un metteur en scène de ces combats et n'est donc ni central ni nécessaire. Ainsi, l'écoute positive de bruit, par exemple la musique concrète, ou l'improvisation libre, sont possibles. Suivent de nombreux exemples et analogies, notamment avec le théâtre. Lors d'un concert, le respect de la partition est secondaire, l'essentiel est l'affirmation du ou des discours. Voir des musiciens suivre leur partition ne présente qu'un intérêt limité, comme une lecture théâtrale. La suspension de l'incrédulité doit permettre un émerveillement renouvelé, par exemple à chaque fois qu'un orchestre démarre ou s'arrête à un instant précis. Si les musiciens sont attachés à leur partition, l'auditeur peut alors trouver nécessaire de fermer les yeux, afin de se plonger dans l'écoute positive. M. Terralos a conclu son exposé avec un enregistrement de trompette solo par M. Axel Dörner. Il m'a semblé que toute l'assistance, ou ce qu'il en restait, gardait les yeux fermés. pouvez retrouver cette émission France Impro sur Radio FMR sur le site franceimpro.net, tout attaché franceimpro.net. Le morceau que nous venons d'écouter et que nous entendons encore, c'est le même duo avec lequel nous avons ouvert l'émission, donc le duo Odiné Marty de l'album Vitesse Locale avec David Odiné au trombone et Sylvain Marty aux percussions. Pour finir, nous allons faire un petit tour de l'agenda des concerts à ne pas rater sur Toulouse. Donc le 24 octobre, c'est-à-dire ce soir, nous avons un festival FIM Alger. Donc, il s'agit d'une lecture musique improvisée, promesse d'une traversée intense de celle dont Anne et ses partenaires sont familiers dans leur adresse incandescente aux spectateurs. Ça se passe au théâtre Le Vent des Cygnes, je n'ai pas l'heure mais ça doit être 20h30. Le Vent des Cygnes à Toulouse, c'est Impasse Varsovie à Saint-Cyprien. J'ai un second événement à vous proposer, en fait c'est un événement sur plusieurs jours, du 4 novembre au 6 novembre, c'est-à-dire du mercredi 4 novembre au vendredi 6 novembre. Il y a des performances, sessions improvisation, composition instantanée. Sessions d'improvisation et de composition instantanée réunissant musiciens et danseurs autour de la compagnie Emmanuel Grivet. Ouverture au public chaque jour à 17h. Ça se passe dans l'école de danse Studio 3, 5 Impasse Bellac, 31-170 Tournefeuille. Je répète, 5 Impasse Bellac, B-A-Y-L-A-C, à Tournefeuille. C'était l'agenda des sonophages, sonofages.free.fr. Vous pouvez le retrouver et retrouver plein de choses très intéressantes sur cet agenda. À très bientôt sur France Impro.